Précieux, précieux souvenir, oh, il subsiste, toujours et non mon âme, dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est un, ô précieux précieux souvenir, souvenir, oh, il s'existe, toujours et non mon âme dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est un, ô précieux Père, ô précieux Père, ô tendre Mère, s'il vaut les jours solitaires, solitaires, vieille scène d'enfance, en famille, reviennent comme tendres souvenirs, ô précieux, précieux souvenir, souvenir, oh, il subsiste, toujours et non en âme, chante mon âme dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est un, dans le silence, dans plein minuit. Dans le silence, dans plein minuit, minuit, j'entends le coup dépassé. Oui, il revient. Chant du vieux temps. Chant du vieux temps, donnant la joie, provenant du beau pays. Ô précieux, précieux souvenir, souvenir, subsiste, toujours et non mon âme dans le silence, dans plein minuit, minuit, précieux saint sacré, c'est un, je me rappelle. Je me rappelle, maman priant, papa priant à genoux, dans la famille. Le soleil se couche, la nuit tombe, leur prière me suive toujours. Ô précieux, précieux souvenir, oh, il subsiste, toujours et non mon âme dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est un, sur le parcours, sur le parcours de toute ma vie, j'ignore ce que le futur, plus je médite, plus je médite, cher l'espoir, cher souvenir, inonde mon âme. Ô précieux, précieux souvenir, souvenir, ô subsiste, toujours inonde mon âme dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est un, Précieux souvenir du prophète. Précieux souvenir des prophètes. Inonde mon âme tous les jours. Pour toi qui médite le message. Je me souviens des précieuses femmes qui ne s'évanouiront jamais. Oh précieux, précieux souvenir, souvenir. Où subsiste toujours une monnaie. Chante mon âme dans le silence, dans plein minuit. Précieux Saint Sacré, c'est ça. Et le message. Le message est son signal. Mon dit, c'est la fin du jour. Je me souviens. Je me souviens qu'il promit de revenir pour les vainqueurs. Oh précieux, précieux souvenir, oh, il existe toujours une onde mon âme dans le silence, dans plein minuit, près, ce saint sacré, c'est un précieux souvenir, précieux souvenir, glorieuse rencontre, sur cette terre d'une mer à l'autre, jouis le message des prophètes, jouis le message, des prophètes qui me donnent vie espoir. Alléluia. Ô précieux, précieux souvenir, ah, il s'existe toujours une bonne âme dans le silence. En plein minuit, précieux saint sacré, c'est un précieux souvenir, précieux souvenir des ses époux, contenant la nourriture, c'est inconvenable. Nous sommes rentrés où il stocka, man spirituel du jour, man spirituel du jour, gloire. Ô précieux, précieux souvenir, souvenir, ô subsiste, toujours une onfona, oui, mon âme est dans le silence, dans plein minuit, précieux saint sacré, c'est ça. Ô précieux, précieux souvenir, souvenir, qui t'existe toujours une bonne âme. Nous y a mon âme dans le silence, dans plein minuit, lui près, je sens sacré, c'est un. Ô précieux, précieux, souvenez, souvenez, il subsiste toujours une onde bonne âme. Ah ouais, mon âme dans le silence, dans plein minuit, oh, précieux saint sacré, c'est un. Tout précieux, précieux saint. Élève ton âme, pour mieux voir la gloire de Dieu. Parce que l'âme est attirée vers les choses d'en bas, la gloire céleste se dissipe. silence enflammé ne me dépasse, Saint-Sacré, c'est ô précieux, précieux souvenir, souvenir. C'est ça, toujours une onde. Alléluia, mon âme dans le silence. Temple, mes lui, que Saint-Sacré, c'est moi précieux, précieux souvenir toujours. Il t'existe toujours une non-bonne âme, toujours dans silence, silence, dans plein minuit. Précieux Saint-Sacré, c'est ô précieux, précieux souvenir, où il existe gloire, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, mon âme dans le silence et dans chaque jour, précieux Saint-Sacré, c'est ô précieux, élève vraiment ton âme loin des choses du monde, des pensées charnelles et diaboliques. Et toujours une bonne âme, quand oui, mon âme dans le silence. Mais Dieu est là. L'âme va la loin. L'âme est nuée, précieux Saint-Sacré, c'est ô précieux, précieux son. Élève ton âme, mon frère. Toujours une non-bonne. Tu as traîné longtemps dans la boue du péché. Mais tu veux tout l'utiliser comme un pasteur. Quand tu te consacres et te donnes à lui. Qui invoque son nom. Ô précieux, précieux. Parce que tu as ce souvenir pour toi. Ton parcours spirituel. As-tu les exploits du passé avec toi? Les témoignages de la vie chrétienne. Des expériences de victoire. L'épreuve de la présence de Dieu. As-tu cela? Précieux. Fais un peu l'inventaire un moment. Tala, mitala, tala, tango moko. Remémorant les bienfaits du Dieu merveilleux. Voilà, mon ensemble, malamu mingi. Oui, mon âme est dans le silence, dans plein minuit. Précieux Saint-Sacré, c'est un église précieux. Je te regarde en arrière. Tala nasima. Et contre les bienfaits de ton Dieu. Et on doit lui dire merci. Et pour tous les bienfaits. Et l'ange de la merci pour la bola mounion, ça s'est pour la bisoire. Ma soeur précieux. Tu ne peux pas être complètement vide comme ça. Et c'est que vous allez dans la le Dieu vivant. Vous allez constater dans un Dieu agit dans la tranquillité, dans le calme. Vous allez constater la carte na kimia na kotola. Vous allez constater la macamba minene mikolomiso. Vous allez kobeta beta toko beta kotala bato. Il est le soutien pour le peuple et le croyant. Vous allez constimba pour la bato zana bota una bato zana bolembu. Ô précieux, précieux, ne peux pas être rempli de négativité. Toujours des souvenirs négatifs. Tango non, ça commence à m'accompagner. Pourquoi il s'en a fait pour ça, longa? Ma part, c'est pas mitongi. Ce n'est pas ce qui doit remplir ton âme. Les alliés, c'est un égo tondi, ça va moins aller. Les merveilles du Seigneur sont là. Parce que l'homme n'a pas les alliés en arrière. Je crie à la main, tu vois. Je suis dans le lingue, moi, quoi, Mikolomiso. Mon frère précieux, regarde bien ce qui s'est passé. Salam alam, où est-il que le cas? As-tu marché seul ou avec Dieu? Et tambour la tuyau, mon côté, le mon ensemble. Quand je me fais ça, il était là. J'ai là mon bimba, y'a la tuyana. Et ce soir encore, il est là. N'a pas qu'on a les lois à l'yawa. Oh, dans le silence, ensemble menuer. Prêche Saint Sacré, c'est ta Église précieuse. Regarde bien là. Tu deviens de fois sec à force de penser aux choses négatives. Tu ne te souviens que de mauvaises choses. Écoute, la spiritualité est en train de tarir. Mais il y a une source, une fontaine. Où l'âme peut se rafraîchir. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. C'est toujours inondable. Ah ouais, mon âme est dans le silence, l'attente diminuée. Presque Saint Sacré, c'est un vieux monde, n'a pas m'empêcher. N'importe quand, oui, je partirai, car je me suis comme fidèle à consacrer. Et je partais bon habit, oh oui, ça vient monde, ça vient monde, n'a pas m'empêché. Rien ne peut me lier. Le côté de quoi ça quel je suis adonné. Il est souple, mon amour. Car je me fais, je me fais à consacrer. Et je portais mon habit des noces. Oui, ce vieux monde n'a pas m'empêché. N'importe quand mon âme. Oh, je partirai, je me suis déjà consacré, et je porte mon habit. Ah oui, ça vient mon dos, ça vient mon. Et nous n'en avons plus mes troubles. Coucou, c'est une gloire à Dieu, car je m'excuse, je me fais déjà consacré. Et j'ai porté mon âme. Alléluia! Oh oui, ça vient monde, ça vient mal. Que les liens de la sorcellerie soient brisés. Kamba wa kindo kie kukana. Soloka mwabe wa demona. Ya soloka. Epukana libo sona mwene na zambi. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Kole mwana zambi zali makasi kole kanyoso. Eje porte mon habe. Mon frère, ce vieux monde, ce vieux monde. Gloire, honneur, gloire à Jésus. Kembo na zambi, kembo na isu. Amen. Moi, je partirai. Mais je me suis déjà consacré. Et je porte mon habit. Ah oui, ce vieux monde, ce vieux monde n'a pas m'empêcher. Jamais. N'importe. À ce moment, moi je partirai et je me suis déjà consacré. Et je portais mon habit. Mon frère, ce vieux monde, ce vieux monde. Il peut pas m'alourdir. Il peut pas m'aveugler. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Il peut pas me distraire. Père, ce vieux monde, ce vieux monde. Louez le Seigneur Jésus. Pour nous faire coller ce Christ. Amen. Portez. Oh, gloire à Dieu. Moi, je partirai toujours. Volonté déjà consacrée. Et je portais mon habit. Oh oui, ce vieux monde, n'a pas m'empêcher. marcher n'importe quand. Oh oui. Je me suis déjà consacré et j'ai porté mon habit. Oh oui, ce vieux monde ne peut m'empêcher. N'importe quand, en main, oh, je me suis déjà consacré et je portais mon habit de noces. Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions ce soir pour ton amour et ta grâce qui se manifeste au-dedans de nous. Tu es disposé à confirmer ta parole. Notre foi le ressent. Quand bien même les hommes faiblissent, et les penchants de leur cœur, les éloignent de Dieu, il y a une flamme d'amour. Il renvoie la chaleur et nous attire plus près de toi. Sois béni, adoré pour l'éternité. Exauce nos prières en ce temps. Bénis ce moment. L'exhortation de la parole. Révèle-la à chacun. Que tout soit clair. Pour motiver la marche. Encourager des pas en avant. Que chacun fasse des progrès. Et que ces progrès soient évidents. Souviens-toi de nous. Dans ta bonté. Pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Selon tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire un extrait de la parole de Dieu ici. Par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 30. Isaïe, Mokapoya, Tukumisato. Nous prenons le verset 15. Un passage bien connu des adorateurs dans cette église. Ésaïe 30. Isaïe, Mokapoya, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité que le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Zambinkolo yawe oyo na bule na isaleli alobiete. Nanzela na kobutwa mpe na kofanda na kimya bokubika. Na kimya mpe kondima bokozwa nguya na bino. Nde bolinga kite. Somme 46, verset 11. Ici, dans ce Kofid, c'est le verset 11. Mais pour ceux qui ont la traduction des Arabies, c'est le verset 10. Zomi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Je domine sur les nations. Amen. Je domine sur la terre. Zalanya peyeba ete ngai na jali nzambe na kukumisa makati na mabota na kukumisa makati na mokili. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanga lokana. Veuillez vous asseoir. Bokoiko vanda. Bienvenue à cette méditation. Oye malamu na komanula oyo. Nous avons lu ces deux passages ici qui sont bien connus des adorateurs dans ce voyage que nous faisons ensemble de la terre à la gloire. Qui connaissent ces passages, les deux? Voilà, j'ai dit c'est bien connu, mais c'est pas tout le monde malheureusement, merci. Donc ceux qui ne connaissent pas, ou est-ce qu'ils n'ont pas de position? Ils ne connaissent pas, ils connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas, les doigts? Ces deux passages. Oh, mais je vis des doigts qui ne se sont pas levés. Comment maintenant? Donc, il y en a qui ne connaissent pas en même temps et ils connaissent pas en même temps et tout ça sans position. Mon Dieu, écoutez, Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Nous sommes à l'église, nous devons être actifs. Participants. Il ne faut pas faire semblant comme si on n'est pas là. La question qui est maintenant, qui connaissent, lève le doigt. Qui connaissent, qui connaissent, les doigts sont abaissés. Si ne connaissez pas, les doigts toujours abaissés. Quelle est votre position? Vous êtes exactement. Donc, soyez participants. Nous avons lu Esaïe 30, verset 15. Nous avons lu Psaume 46, le verset 11. Et j'ai lu dans la traduction de Darby. C'est le verset 6. Psaume 46, verset 6. Quel est ce nom-là? Pouvons-nous le lire ensemble? Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Et je serai exalté sur la terre. Quelle déclaration solennelle. Ce n'est pas la parole d'un évêque. Ni d'un prophète. Ni d'un évangéliste. Pas non plus d'un théologien. Mais c'est la parole du Seigneur Dieu lui-même. Vous pouvez nous le répéter encore ensemble. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Dieu sait qu'il le sera. Il sera exalté parmi les nations. Il sera exalté sur toute la terre. Quel que soit ce qui t'arrive, qui t'est arrivé et qui t'arrivera. Quel que soit le parcours de ta vie. Quel que soit le genre de témoignage d'expérience que tu as connu, et que tu as eu à manger des herbes amères, que tu as eu à traverser des vallées, que tu as eu à parcourir des montagnes, parfois très essoufflées, te sentant comme un voyage à bout de chemin, un voyage à bout de chemin, mais ce qui est évident, Dieu nous demande la tranquillité. Et notre exhortation, c'est la tranquillité. Juste un mot, la tranquillité. Dieu dit, tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Même quand vous ne vous agitez pas. Même quand aucun mot ne sort de votre bouche. Est-ce que vous avez choisi le calme et le silence. Le plus total et le plus complet. Même dans cette situation-là. Sachez que Dieu reste Dieu. Votre silence ne le change pas. Votre tranquillité ne le change pas. Mais dans votre tranquillité, il y a votre salut. Ça, c'est ce que Dieu vous promet. Le salut, c'est la délivrance. C'est être délié des situations délicates. C'est être délié de tout ce qui est mauvais. Mais c'est dans la tranquillité que vous expérimenterez le salut qui est votre. Dans Esaïe 30, quand ainsi appelle le Seigneur, le même Dieu, Zambé, qui a parlé dans le psaume 46, ainsi appelle le Seigneur, Zambé, l'Éternel, le Saint d'Israël. Nous nous disons qu'il est le Saint de l'Église. Il est le Saint du tabernacle des chrétiens. Il est le Saint de notre Église. Il est le Saint de notre Église. Mais il y a un Saint que nous aimons beaucoup. Le Saint des saints. C'est notre Dieu autour de la parole. Il est le veilleur de sa parole. Il est le veilleur de sa parole. Pour l'exécuter. Et qui a parlé, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Il est le même jusqu'à présent. Ce soir encore, il est le Saint parmi nous. Il est le Saint non loin de toi. Il est le Saint non loin de ta maison. Il est le Saint non loin de ta maison. Invoque le nom du Seigneur. Il est là comme la colo. Et s'éloigne de l'iniquité. C'est tango, monsieur, quand même, mon accord. Quand qu'un vocal, le Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité. Dieu se tient près de nous. Tango, Ne l'oubliez pas, ne confondez pas, Dieu se tient près de vous. Continue à craindre Dieu. Maintiens-toi dans la crainte de Dieu. Continue à détester le mal. Jette le mal continuellement. Et l'ange sera toujours là. Qu'est-ce qu'il fera? Il combattra pour vous. Croyez-vous cette chose là? Dans Exode 14. Quelle vérité là. Exode 14. Le 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Yahweh akobunda pona bino pe bino bokotikala nye. Est-ce que ça réjouit encore quelque part? D'une sainte joie. Dieu continue à nous rassurer. L'Éternel combattra pour vous. Yahweh akobunda pona biso. Tu n'es pas saint, peut-être pas saint. Pas saint à tes propres yeux. Pas saint d'après ton propre cœur. D'après ta propre conscience. Car elle a toujours quelque chose à te reprocher. Le Dieu qui a placé en toi sa parole. Il est le saint de son peuple. Il est celui qui te garantit de combattre. Pour toi. Ce qu'il attend de ta part, c'est la foi. La foi dans sa parole. La foi est la sable. Ainsi a parlé le Seigneur. L'Éternel. Yahweh. Le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Et la confiance. Et sera votre force. Avons-nous lu ça? Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. La confiance en sa sainteté. Si le diable ne peut pas craindre ma sainteté, je suis sûr et certain d'une chose. Il craindra la sainteté de mon Dieu. Il ne peut jamais en douter. Il sait que Dieu est saint. Dans tout l'univers. Dans tous les âges. tule konyoso. Zamba zalimo santu pabongo na kate. Amen. Et le Seigneur qui te parle te fortifie. Mon sang t'en allait pour le développer, pour faire ça un petit peu, vous savez. Par la tranquillité et le repos. Et le Seigneur a peine à vos permis. Que sera votre force? Comment que sera votre salut? Amen. La tranquillité et le repos. Qui m'y a fait vos permis? Le repos, c'est l'opposé du travail. Il arrive que nous forçons des choses. Et nous multiplions les efforts. Mais à un moment donné, vous êtes humain. Votre force va s'épuiser. Mais la force de Dieu est inépuisable. Quelle que soit ta renommée. Ata, voyez, banana, yo. Un humain et tu as des limites. Tu peux défier. Tu peux dire parier avec moi. Moi, je me sens encore fort. C'est une sensation que tu as. Un jour, bientôt. Ta force va s'épuiser. Mais tu auras besoin de te ressourcer. Tu auras besoin d'être fortifié. Tu auras besoin d'être animé. Et quand tu en arrivera à ce stade, ta force est inépuisable. Alors, au lieu de continuer à forcer, tu sens que tu es à bout, alors confie-toi à l'Éternel. Repose-toi. Ne force plus rien. Repose-toi. Repose-toi. Pema. Écoutez. Boka. Il veut vaincre l'impudicité. Olikolonga, Kinumba. Ça ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Olikolobanini. Donc. Laisse de combattre l'impudicité. Natika kubundisa Kinumba. Abandonne-toi maintenant l'impudicité. Pour attendre que Dieu te délivre lui. Na mipesa na ngopona zilanzamba kangulamai. C'est ce qu'il faut. Ils allaient en mettre sur les costales. Tu t'es concentré. Yo, mi... Tu as changé de méthode. Tu as renouvelé des décisions. Tu as formulé des vœux sacrés. La situation semble fille. Kasi kamezali koko mama bemi koleka. Repose toi même. Pema sa saipi. Veux dire quoi? Amen. Des efforts que tu faisais. Makasi subane kosala. Pour la kolonga kindumba. Repose toi. Pema. Et si tu entres vraiment dans ce vrai repos, même la force de commettre l'impudicité, en même temps que tu ne voudras plus faire les efforts pour vaincre le mal qui te hante, arrive sincèrement là, oh, même moment je t'assure, même la force de commettre ce mal, c'est parti. Et si kenda. Amen. Chaque fois que tu voudras essayer, le courage ne sera plus. Tu vas dégoûter en même temps et les efforts pour vaincre l'impudicité. Et tu dégoûteras en même temps le désir de pécher. Le désir de commettre l'impudicité. C'est ce qu'il y a. Et tu vas constater que dès le moment où tu as choisi les réponses, la force de Dieu a automatiquement pris la relève. Alors tu demeures dans la foi. Que le Seigneur a dit, venez à moi. Ou tous qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai ces réponses. Au lieu de compter sur tes efforts, il choisit de compter sur Dieu. Il choisit de compter sur Dieu. Parce que tu es allé à Dieu. Voilà, yo, okay, pas zambé. Pour lui confier ce qui te dépasse. Au même moment, son secours surgira. La puissance prendra la relève. Je suis en train de parler à un croyant. Amen. À quelqu'un qui a la substance foi. Vivre le changement de cet instant. Et te rendre compte que le salut de Dieu n'est pas loin de toi. Que le secours de Dieu n'est pas loin de toi. Que la délivrance du Seigneur est plus près de toi. Toi seulement et tu ne regardes pas Dieu. Prends Dieu au mot. Et tu vivras le changement. La tranquillité. kimia, si tu es sincèrement fatigué, so ki olembi, na bo sembo, jale moto kolemba, et que le fardeau te dépasse, bo si tu n'en peux plus, tu avoues n'avoir pas de force pour faire différence, mais au moins tu crois en Dieu, tu puissant, invincible, dans la force qui est inépuisable. Sache qu'il fera sa part sans tarder, parce qu'il est attentif par nos pas. Il sait tout ce qui nous arrive. Le plus fort que ça, il est un souverain sacrificateur. Qui sait te faire grâce. Quand tu avoues que tu n'en peux plus, et que tu reconnais que tu as besoin de sa grâce. Et lui fait grâce à ceux qui suivent. Il ne laisse pas ceux qui viennent à lui. Vois-tu ça? Undimeli ango Isaïe 40 Isaïe 28 Mulungu atukumi bale na mwambe ne laisses-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Tu le sais, je te le rappelle. Amen. Zambe alimbakati. Amen. Amen. Alimbaka jamais. Amen. Il ne se lâche point. Amen. Zambe abayakati. Tant que tu lui offres ta foi, akobayakayote. Amen. Malgré tes faiblesses, tes chutes multiples, tant que tu lui offres ta foi, akobayakayote. Amen. Amen. Oyekite. Oyokite ete, Yahweh ajali nzambe libela, motongi na nsuka na mokili. Ye ako senzwa te, ako lemba te, bososo lina ye, eye bani suka te. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est quoi? Fatigué. Amen. Ako pesa nguye paina oyo alembi. Moi j'avoue que je suis fatigué. Gaina, dimiette, gaina les choses du monde et de péché. Akamuna, mokili, je suis fatigué. Nalembi. Mais j'ai besoin de sa force. Il a promis de donner la force. Alaki ko pesa makasi. Celui qui est fatigué. Na oyo azali na kolemba. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur. Là où les organes deviennent défaillants. Vous pouvez voir qu'il y a des défaillants. Vous pouvez voir que ton cœur est défaillant. Ton cerveau est défaillant. Ton cœur est défaillant. Ton dos est défaillant. Tes muscles sont défaillants. Ton poids est défaillant. Insuffisance hépatique. Insuffisance cardiaque. Et augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Ne t'entends pas bien. Ne donne pas accès au diable. Ne laisse pas un vide là où tu dois dire amen. Donc, alors c'est que, amen! Et il se moque de toi là. Alors c'est que Dieu, c'est la maison. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Que Dieu augmente la vigueur. Il augmente ça. Vous allez combattre ça en gros. Vous devenez de plus en plus vigoureux. Vous allez combattre la mini macassi collègue. Plus résistant. Vous allez combattre la macassi mini. Endurant. Vous combattre la macassi en gros. Il y a un peu d'endurant ce soir. Voilà. En 2022 ici. Vous allez combattre. Vous allez macassi. Très endurant. Vous allez macassi mini collègue. En comptant sur le nom infaillible. Vous allez la combattre quoi ça macassi en zambé ou abino. Regardez la promesse en face. Otala et la canne, mais Dieu ne délaisse jamais son foyer. Il laisse passer sa femme. Il leur secours dans toutes les détails. Il leur secours dans tous les besoins. Dieu vivant le fera. Je ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Il augmente la vigueur. de celui qui tombe en défaillance. Vous allez connaître quoi ça? Attends, il était dans ce tour, on a déclaré invalide. Oh, écoute, nous avons ça. Amen. Dans notre cas, nous croyons en un message tout puissant. Allez, prenons dans le côté de la sangue, un message de merveille. Et s'il n'avait pas la joie, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Élie, le Dieu d'Élie, il a confirmé le message. Il y a eu des cancéreux, la guérison, la création des organes. C'est pour quelle maladie? Et puis, salut, les autres. C'est notre foi qui est en bas, ce moment. Nous croyons et nous questionnons. Mais il faut croire fermement. Et savoir que la chose est réglée. On fait ce que tu confesses. Et je suis le souverain sacrificateur. Et ta confession. Il est là pour te l'éprouver. Il est là pour te l'éprouver. Crois-tu que c'est infaillible? Vous allez connaître. Amen. Au coup de la sonité, Zambé a réservé honneur à Bandimi. Il a dit que l'honneur c'est pour vous qui croyez. Bandimi a coup de la sonité. Son Dieu est là pour l'honorer. Zambé a réservé honneur à Bandimi. Alors ne suivez pas les bobards et les bobards. Les bobards qui nous connaissent pas Dieu. Mais nous à la parole de Dieu. Dieu a plein de merveilles. Dieu agit, il agit encore. Dans ma qui fait Dieu aujourd'hui à jamais. Dieu ne change pas. Dieu la caté. Si la guerrière, il va guérir l'autre. Amen. Il va guérir l'autre. Que l'autre a compris tout ça. Il a rempli et rempli la tonne. Que l'autre a compris ça. Que l'autre a compris ça. Que l'autre a compris ça. Il a opéré hier. Il va opérer. Que l'autre a compris ça. Que l'autre a compris ça. Amen. Solo. Verset 31. On va tout comme ça sur la moto. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Il court et ne se lâche point. Au moins, il y a nature ensemble qu'on s'est gâté. Quand tu reçois les promesses, la nature de Dieu qui se lâche point. Ça entre aussi encore. Message ensemble. Au combat, quand on chante. Lingua ensemble. Au combat, quand on chante. Basé ensemble. Au combat, quand on chante. Parce que la force de Dieu est en train de pénétrer et au moyen de la parole que tu as reçue. Donc la parole entre nous et charge notre nature. Il y a une régénération. Il y a une régénération. Oui, amen. C'est la régénération. Changement de nature. Mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Exactement la nature de Dieu en eux. Est-ce que tu vois clairement que Dieu est capable de te transmettre ses caractéristiques. Rien que par sa parole. Et dans la parole qu'on voit que les adolescents se fatiguent. Et fait comme ça. Mais qui se confie en l'éternel. Croient en Dieu. Renouvelle leur force. Quand ils prennent le vol, c'est comme les ailes. Voler au-dessus des bassins. On a copié mal les colons et ma camarade. Les divisés de la terre. Y a vos hommes et ma belle. Papa. Dans ma camarade Kuta. Il est au-dessus là-bas. Vous allez colons kuna. Et dans la marche avec Dieu. Quand tu n'as pas tant de colons, on est ensemble. Wana bolimbi, bolimbo zalité. Même pas bouclé. Au milieu de l'embien à nous. Qui a misé qui? Ce qu'on a la confiance quand tu n'as pas besoin. Il n'y a pas ce temps-là. Il n'y a pas une seule occasion à Satan. Il faut se moquer de ta foi. Il faut se moquer de tes sacrifices qui passent. Il faut se moquer Je dois tenir Capri. Seigneur na Simba. Par la grâce de Dieu, je tiendrai. Ngolo nzambe na ko Simba bobele. Alors frères, sœurs, soyez. Comment ça indique mon père Zala en bakasi? Très endurant. Zala makasi mi koleka. Oh, gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Je me relire quelque chose ici dans propre nom. Ngolo na ko tanga eloko moko kati na ndeko bana. Comme quand nous parlons de lui. Okola tanga zala koloka sina na. Ça bouge. Un exode. Le sermon un exode. Wana mobi moko litea. Du 15 juin 1958. Juste en face de ces obstacles. Regardez-les. Premièrement, Moïse se met à prier. Mose abandé ko bondela. Il est descendu à la mer rouge. Il s'est avancé. Et à Poussanaki. Premièrement, il s'est mis à faire quoi? Eliboso, Abandaki, Kobondela. Quelles que soient les épreuves. Ata, les situations. Mais Panoto Makambo, Makambo, ils allaient côté à Mobolo. Les commencer, les combats. De prier d'abord. Kobosanate, Kobondela, Eliboso. Priez toujours. Kobondela, tango, nous vous exhortons avant toute chose à offrir des prières. Et Kobondela, bien, Eliboso, Makamomasa. Aussi, n'a pas bon, Jelina, ma longue, et pas une attente. S'il vous plaît. Bosala yango la bonde lino. Mose abandaki na liboso na mabonde li. La situation était tendue. Wana likambe komba makasi mingi. Désespéré. Ata bazanga ke likia. Mais il s'est mis d'abord à prier. Asi yeli boso abandaki ko bonde la. Toi aussi. Quelles que soient les réalités. Yo pe ata makambo lengi nini. Ata makambo lengi komona na. Le sens te communique de la. Oye kote no mitano zali ko tali tope ko bande la yo. Prie d'abord. Bondela liboso. Prends le contrôle par la prière. Zwa kolambela na nzela ma bonde. Ne te laisse vaincre par aucune situation. Umiti katolonga na likambo moko. Moïse, Moïse, premièrement, Moïse, il se met à prier. Abandai ko bondela. Il est descendu à la mer. A kita ko na mbu. Et il s'est avancé. Et le Seigneur a fait descendre un vent. Kolo a kiti saki mo pepe moko. Et cela a frayé un sentier en souffrant sur la mer. Pe ango sala ki nzela moko ko beta ka na mbu. Donc sur la mer rouge. Na mbu motane. Et oh, comme Dieu fraye toujours une ici. Loko la nzambe tango nyoso a sala ka nzela moko. Ata o kangami de par en part de tous côtés. Oyebir souche o kobandela wapi? O kobibira wapi? Mais Dieu fraye toujours une ici. Nzambe a sala ka tango nyoso ko sala nzela moko. Que dit sa promesse? Il a kana lo binini. Les épreuves atteignent souvent le juste. Mais le Seigneur les en délivre toujours. Parce que la kango la kabango tango nyoso. C'est la promesse melayo. Wana ezali la ka. Lia otonda. Et puis c'est aux vitamines na vigueur na pokolelo. Amen. C'est toi qui dois te moquer des épreuves maintenant. Le Seigneur lui aussi ka. Au lieu que les épreuves te fassent rougir. Et comme ça aussi où il va se toucher. Au yoki, au boni, au simi. Vous sentir. N'écoute pas tes cinq sens. Écoute le super sens. Il est véritable qui te rappelle la parole. Oui, vous allez aller sur les allées copains, tu l'as dit le bon ensemble. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se fera. Oui, alors dit, il y a un bon salema. Comme Dieu fraye toujours une ici. Dans chaque épreuve, il frayera une ici. Tenez-vous tranquille. La tranquillité. Voyez, ne vous mettez pas à sautiller. Et ne vous effrayez pas. Tenez-vous tranquille. A-t-il dit? Et sachez que je suis Dieu. Et quand les épreuves deviennent difficiles, rappelez-vous, parfois, c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Vous dites, quoi? Vous allez colobanini, motei. Quand les choses se compliquent tellement, vous allez comprendre. Vous dites que c'est là que Dieu va nous témoigner. Vous allez colobanini, vous allez voir ensemble, potatola, bolingonae, pour la viso, io, pe bobele bongo. Tangonoso, tangonakozala. Na mimekano ezali komelisa ngai pema. extrêmement troublant. Oh, na suka zali ko changa ipenda mobolo. Asphyxiante même. Oh, pe mezali ko kenda kutu. Mon cœur croyant. Motema na ngaya bondimi. S'attendra dans l'expectative. Et comme il a bobena bozeli zeli. À tout moment. Na tango nyoso. De voir la manifestation de l'amour de Dieu. Mona ko tali sama ya bolingo na zambe. Et ma bouche croyant. Et mona ko na ngaya bondimi. Et mon ira confesse là. Ko tato la ke ko ya ko la. Nzambe alinginga yi. Peu m'importe les souffrances. Ata boni boni papati. Ko seka tomi mekano. Jésus même. Yes, alingengai. Ça me suffit. Et bongi bongo pona ngai. Et dans les épreuves les plus difficiles. Parfois. C'est là que Dieu veut vous manifester son nom. Et aliwana nzamba linko tali tela yo bolingo na ye. Ne rate pas l'occasion. Kuzanga libakote. De recevoir un rayon d'amour divin. Akuyamba bolingo na nzambe. À cause des murmures et de lassitude. Tola ko una una to kulimba to kumile la lela. Hein? Et les bilobe là. Ne fais pas ça. Tiens-toi tranquille. Attends-toi à Dieu et sache qu'il est Dieu. Et quand les épreuves deviennent difficiles, rappelez-vous parfois, c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Mais rappelez-vous, peu importe combien de mains rouges il y avait, le chemin de Dieu passait par là. Dieu conduit. N'est pas étrange la façon dont Dieu connaissait par les eaux et d'autres par une marée, d'autres par les études de ses preuves, mais tous par les sangs. C'est Dieu qui conduit ses enfants, peu importe ce qui fait obstacle, cela aura à se mettre hors du chemin. Et cela aura à céder devant Dieu. Et moi, pour qui quand cela lui concerne Zambé. Pourquoi tu fermes ma face? Vous avez quelle que soit la chose qui fait obstacle. Ata et pekita toli kamonia zali ko pekita. Persévère devant Dieu. Yoko ba zala bovela matuma mulai libosona Zambé. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Telema bovela na bozala na Zambé. Détester le mal. Poba bovela ko boya mabe. Rejette catégoriquement le péché. Voici ça le sumu penza. Et l'ange de Dieu prouvera sa présence. Et moi je n'appelle à kotali sa bozala na ye. Dieu de merveille, Dieu de Jacob. Zambé na bika muzi Zambé na Yakobo. Prouvera sa présence. Akondimi sa bozala na ye. Dieu de Jacob. Zambé na Yakobo. Qu'est-il écrit aux cieux de Jacob? Or Jacob était un homme tranquille qui vivait sous des tentes. Savez-vous ça? Il est dit dans la Bible. Jacob était un homme tranquille qui vivait sous des tentes. Toi aussi tu peux être un Jacob. En ton temps. Mais sois tranquille. Même si tu dois vivre sous des tentes que tu n'as pas de grande vie. Impressionnant pourquoi? Vis tranquille devant. Tout est possible à celui qui croit. Toutes les épreuves seront renversées. Tout ce qui fait obstacle pour la vie du chemin. Attendez-les et qu'on s'alima. Tolobi, poyondima. On dit? Attendez-les et qu'on s'alima. Amen. Amen. Oh, et où me l'imingi? Mais Dieu est patient. Nous avons Dieu tout capable. Qui fait chaque chose bonne en son temps à lui. Amen, amen. Amen. Comme il est écrit dans les Lamentations chapitre 3. Lamentation 3. Oh, qu'est-ce qui est dit là? Le verset 25 et 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Yahweh jali na malamu epai na baoyo bakolambela ye. Pour l'âme qui le cherche. Et puis, on a mon livre, oh, j'allais qu'on nous caille. Si ton corps est tellement épuisé que... Attends, ton assis, qu'on l'aime pas, mon opéro, qu'on l'aime pas, c'est que... Laisse ton âme au-dedans de toi. Si t'as été moi, là, n'a eu la face, n'a eu. Cherchez Dieu. Et qu'on va qu'on nous entendre. Avoir soif de lui. Vous allez la poste, n'a eu. Avoir tenir dans sa sainte bête. Vous allez vous bêler les quatre, là, vous allez n'aimer mon santo. Pour l'âme qui le cherche. On a moi, les allez qu'on nous caille. L'éternel a de la bonté en réserve. Zambé, azalina, pour l'âme, vous mettez à bon, à bon, bipo, n'ayango. Et donc, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai dit, malam, ouais, c'est moto, alambe, la, na, kimia, ona, ubika, na, yawe. C'est très bon. J'ai dit, malam, c'est très bon d'attendre en silence. J'ai dit, malam, cause la, kat, na, kimia, glissongi, na, yawe. C'est pas mauvais. J'ai dit, ma, bête. Mais c'est très bon. J'ai dit, malam, la Bible dit qu'il est bon d'attendre en silence. Bibé, bébé, j'ai dit, malam, cause la, na, kimia, glissongi, na, yawe. Gloire à Dieu. Qui est mon il est bon d'attendre en silence. Voilà pourquoi il y a des moments où nous crions. Il y a des moments où nous poussons des cris. Il y a des moments où Dieu reconnaît et recommande ça. Zambé, ayez à peine la seule façon pour un bébé d'obtenir ce grichet. Mais il y a aussi des moments où la prière silencieuse. Pour montrer que nous avons la maîtrise de nous-mêmes. Et nous avons le contrôle de la situation. Nous pouvons nous adresser à Dieu tranquillement. Élie sur le Mont Carmel avait prié tranquillement et brièvement. Et il y a la situation sous contrôle. Parce que la parole lui était déjà révélée. Il savait ce qui allait arriver. Parce qu'il avait les promesses de son Dieu. Amen. Mais les adorateurs de Baal sont agités d'imaginaire jusqu'à se déchirer le corps. Ce n'est pas l'agitation qui produit le miracle. Les imprécations et tout ça. Tenez-vous tranquille. La brève prière d'Eli. De quelques secondes à peine. Vous l'analysez, chacun de nous, quelle que soit la vitesse presque là. Vous verrez que vous ne ferez pas une minute en l'analysant. Attends, la minute, mon côté pour l'année là. Une prière de moins d'une minute environ. Mais avec des mots bien plats. Sans dérapage. Ni déraillement. Ayant la situation sous contrôle. Disant exactement ce qu'il fallait demander à Dieu. Plutôt qu'il a dit Amen. Voilà le mot bongo. Les résultats se sont déchaînés. Voilà le surnaturel a pris la galère. Et pendant ce temps, Élie s'est tenu tranquille. Au repos. Pour laisser Dieu faire. Et il a réglé l'affaire. Mais à Silisa Kilikambo. Lui-même. Yemoko. Sans le secours d'aucune main. Ozanga Lifunya Liboko. Il est le même Dieu dans ta vie. Azalizame Moko Katina Bomoinayo. Il est le même Dieu de ce message. Azalizame Moko Yasangoyo. Il y a des moments où nous crions. Mais il y a des moments où il nous est demandé de prier en silence. Non pas que nous adorons le silence. Nous adorons Dieu. Tu allais combattre la Zambie. Mais sous contrôle. Car si tu allais combattre la Macamomanso. Voyez frère. Au quand nous arrivons à l'église. Quand nous allons combattre la Ecclesia. On fait ça les directives du message. Les alliés angonde milongo dans le pays. L'ordre de l'église. Dans le l'Ecclesia. Prêché le 7 octobre 1958. 7 octobre 1958. L'ordre de l'église. Sans aya. Je prends le paragraphe 23. Je crois que le Branham Tabernacle devrait toujours avoir un pianiste rempli de l'esprit. Qui viendrait tôt. Au culte. Le tabernacle chrétien doit avoir pareil. La pandémie c'est mon gomme, Christ, c'est quelque chose. Un pianiste rempli de l'esprit. Qui viendrait tout. Donc presque avant tout le monde. Liboso et avant tout le monde. Rempli du Saint-Esprit. Et qui jouerait doucement. Tout doucement de la musique spirituelle. Parce que là, à la croix où mourut mon sauveur. Là, j'ai crié pour être purifié. Là, le sang fut appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Très doucement. Quelque chose comme mon Dieu plus près de toi. Zambi nangai peninayo. Ou bien rocher des âges, fin de moi. Zamba na bileko. Oui. Bukamaki pour nangai. Ou alors une autre mélodie. Très doucement. Quelque chose de ce genre. Et le comment le lendemain. Lentement. Pendant qu'il est en train de méditer constamment sur le Saint-Esprit. On a dit comment pendant qu'il chante ça, doucement, très doucement, et lentement, lui le pianiste, rempli de l'esprit, est en train de méditer constamment. Il y a des idées dans la musique classique. Lui ou elle, ça peut être un homme ou une femme. Ensuite, je crois que les adorateurs devraient être accueillis. Pendant qu'ils chantent, on devrait leur montrer où accrocher leurs vestes. Et leurs chapeaux. Et où s'asseoir. Et ceci avec l'hospitalité que seuls les huissiers ou les diacres remplis du Saint-Esprit peuvent offrir. Vous voyez, les ceci avec une hospitalité que seuls les huissiers ou les diacres rempli du Saint-Esprit. Les autres ne pourront pas offrir ça. Pour offrir ce genre d'hospitalité. Pour offrir ce genre d'hospitalité. Seuls les huissiers. Et des diacres remplis du Saint-Esprit. Seuls eux peuvent offrir ça. Les adorateurs. Voyez ça? Alors, dans l'amour. Afin de voir l'église du Dieu vivant aller de l'avant. Vous voyez, ces adorateurs qui entrent comme ça, viennent à l'église, dans la maison de Dieu, ne devraient pas se parler entre eux, ni s'interpeller. Non, il est à la maison de Dieu. Ce genre de comportement, c'est interdit. Ces adorateurs ne devraient pas se parler en plus. Et c'est là qui bango la bango balo bana bango la bango. Moment d'adoration, mais aujourd'hui, les frères devant l'église, en train de m'apparler. C'est le moment de prière à l'intérieur, mais d'autres m'apparler. Quelle discipline. Wana ko zanga alimani ni wobokonde. Après, nous allons dire que Dieu ne vient pas traiter avec nous. Mais c'est ce genre de comportement là. Ce genre de légèreté. Il y a Christ et le Saint-Esprit. Et mettre la formalité de l'église. Les lourdeurs et les froideurs. Nous devons charger. Chacun doit se discipliner. Pour qu'il en laisse sa bouche dans l'église. Car c'est le moment de prière. Tout le monde est en prière. Qui que vous soyez, la prière. Pas la distraction. La prière. Étant ensemble concentrés. Et ayant la crainte de Dieu. Ces adorateurs. Ne devraient pas se parler entre eux. Ni s'interpeller. Ni faire du bruit dans l'église. Ils devraient se réunir. Et c'est là qu'il va s'engana. Ces adorateurs. Hein? Premièrement, entrez doucement dans une prière silencieuse. Peut-être à l'hôtel, ici. Pendant quelques instants. Écoutez. Pas de prière à haute voix. Ils allaient ma bonne ligne à mon gongo ma casse. Quand vous allez pour prière à haute voix. Vos bonnes lignes à mon gongo ma casse était. Sous contrôle. Ou alors vous allez commis l'ambulance. Tranquillement. Nakimia na. Attendant les secours de Dieu. Vous allez la caler sous une angle. Attendant l'expectative que Dieu fera des grâces. Vous allez la caler vos yeux les enzambes à consala ma camaminene. Pas de prière à haute voix. Ils allaient ma bonne ligne à mon gongo l'icolo. Vous interromprez quelqu'un d'autre. Boko kata moto mususu. Mais une prière silencieuse. Parce que les bonnes lignes à Kimia. Car vous êtes dans l'adoration. Que cela vous pénètre bien. Voulez-vous recevoir? Adorez dans votre esprit. Ensuite, retournez à votre siège. Si vous êtes venu à l'hôtel. Quand vous finissez, vous retournez aussi calmement à votre siège. Ce n'est pas du désordre. Vous pouvez être le même à 5, 10, 20, vous à Zomi, tout même si les chaises deviennent vides. Il n'y a pas de problème. Ça, de l'étude pour les lèvres. Se sentir à l'aise. Montre la montée de la mio, passa à mio, camarade. Est-ce que tu parles à l'hôtel? La violence de la comité à Moussa, on a beaucoup qui n'est pas là. Pour le but étant, on est voyant, vous venez à tomber. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Donc, si nous sommes à ma casse, c'est qu'on est tombé. Très simplement, vous trouvez-vous un siège. Et Mzoa Efika, asseyez-vous. Pifanda. Écoutez la musique. Yuka, fermez vos yeux. Pebokanga miso na bino. Pendant le temps d'adoration. Natanga kugumba mela. Disons amen. Tuli mobele bongo. Fermez quoi? Bokanga nini? Fermez vos yeux. Bokanga miso na bino. Frère Joël, plusieurs fois j'étais remarqué toujours les yeux ouverts. Je fais ici la remarque en public. Ce soir encore, les yeux ouverts pendant que l'église priait. Lelo. Arrêtez ça. Sika yango. Tout le monde, les yeux fermés. Montonio son mission pour le message qui nous dit. Les alliés sont vous allez colomber la mise au bongo. Les yeux fermés. Mission à Kokangama. Pas les yeux. Regardez là-bas. Regardez ici. Les alliés Kotala Kakuna, Kotala Mufandi. C'est le moment d'adoration et prière. Les alliés sont à Kokumba, mais la paix m'a bondé. Vous allez voir là. Ok. On y va. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel. Vous avez votre camion à côté. Entrez simplement et trouvez-vous un siège. Vous comptez vous venir vous asseoir à côté. Asseyez-vous. Vous fanda. Écoutez la musique. Vous voyez comment Monsieur Kouane est allé couper. Fermez vos yeux. Vous kangami son abino. Inclinez votre tête. Bongumba mison abino. Adorez Dieu en silence. Bongumba mélancolie. Tout le temps. Vous êtes là? Vous allez voir là? Nous nous tenons devant Dieu respectueusement. Dans la tranquillité. Kimia. Ayant la situation sous le contrôle. Vous allez nous attendons vraiment à Dieu. Parce qu'il est redoutable dans l'assemblée des saints. Nous disons amen. Amen. Nous aimons la vérité. Allons-nous y revenir? Allons-nous l'appliquer? Oui. Que Dieu vous bénisse. La tranquillité. Kimia. Hein? Tout ce qui fait obstacle sera mis. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Laissez que la parole de Dieu règne dans la maison de Dieu. Ne l'empêchez pas. C'est la dominer dans la maison de Dieu. Et chacun de nous doit contrôler ses attitudes. Ne dérangez pas quelqu'un. C'est le moment de prière. C'est une maison de prière, dit Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Et par respect pour la prière. Quand vous trouvez votre frère dans la prière, ne l'interpellez pas. Respectez sa prière. Amen. Quelle que soit l'urgence qu'il y a. Dites, il est où elle est en prière. Nous devons attendre. Qu'il termine. Ça, c'est notre respect que nous offrons. Amen. Amen. C'est clair pour chacun. Allons-nous y veiller chacun de nous. Veillant les sœurs Moi, je vais faire le frère Jonas. Lève les doigts. Le huissier va venir. Ok. Musungia Kouya. Toi, tu as ramené une note. Tu n'as commis le cas à mon petit. Son frère dérange. Ndeko, Azale Koutungisa. Il me dérange. Azale Koutungisa Ngaï. Veillez les ramener dans l'ordre. Et les huissiers viendront les recadrer. Le Saint-Esprit est sensible à tout ce qui se passe. Nous n'avons pas besoin de culte lourd et formaliste. Que la tiédeur soit due aux attitudes indisciplinées des membres de l'Église. L'église du Dieu vivant doit aller de l'avant. Tout ce qui met obstacle doit être mis au lit. Nous disons tout ça, mais tenons-nous debout. Nous allons adresser à Dieu notre prière encore en cette soirée et lui offrir nos cœurs. Oh Dieu. Mon Dieu, plus près de toi. Encore une de ces musiques très douces. Mon Dieu plus près de toi. Hosanna numéro 101. Mon Dieu plus près de toi. Okay. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu plus près de toi. Près de toi. C'est le mot, c'est... Le modèle, ma foi, être plus près de toi, dans les jours, cette épreuve porte comme un cœur de gaz. Tiens-moi près de toi, plus près de toi. Dans les jours, l'épreuve des comme un fleuve, garde. Tiens-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que je prépare de toi, Seigneur, dis-moi alors que toi, Seigneur, dis-moi plus près de toi, toujours plus près de toi, donnez-moi dans tes courses, soutiens. Que Satan s'est à ton amour ramène toujours je peux faire à toi plus près que Satan c'est ton amour alors mais ramène toujours je prépare de toi plus près de toi mon Dieu Dieu plus près de toi, dans les ténèbres, je veux jeter ton ciel ouvert, plus près de toi, oh pèlerin. Mon Dieu, je peux pas à toi, je suis près de toi, en pèlerin, en banque, en chantant, chante la grâce, mon Dieu. Dieu plus près à toi, plus près. Gaïna belé mana, déclama. Colonna belé mana, déclama. Et ma belle mana, déclama. Samba, amen, amen. Monte ma belle mana, dima. Eli ma belle mana, dima. Colonna belle mana, dima. Ayo zambesa, benan. Disons chacun un mot au Seigneur Dieu, notre Dieu. Lua moko na nkolo nzambe na biso. Le maître des temps et des circonstances. Qui nous alloue ce souffle de vie. Et demain ne nous appartient pas. Demain c'est à lui. Nous ne savons pas, nous vivrons jusqu'à quand. C'est lui qui sait. Pendant que nous avons ce souffle, que la crainte de Dieu domine nos vies. Nous prions chacun. Père céleste, nous t'adorons. Nous élevons et sanctifions ton nom. Nous reconnaissons tout puissant et invincible. Notre source de force, de vigueur, de délivrance et de victoire innombrable. Merci pour ta parole d'avoir exhorté nos cœurs à la tranquillité. Donne cette tranquillité à chacun. Car ce que nous pouvons réaliser, ce que nous vient de ta grâce. Oh, souffle cette grâce sur chacun. Qu'il y ait une marche nouvelle. Que les habitudes du monde tombent. Les choses profanes tombent. Toutes les bassesses et les bobards. Touche nos oreilles à cela. Détourne nos yeux de la vie des choses vraies. Laisse-nous voir les choses vraies. Regardez la promesse du Seigneur. Avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Je suis Dieu de son message. Zambia sangoyo. Soutiens augmenter notre foi, conduis-nous au meilleur port. Laisse l'église du Dieu vivant aller de l'avant, jour après jour, assisté par le Saint-Esprit. Nous avons des faiblesses parmi nous, des manquements divers. Nous amenons au pied de ta croix. Moi je suis le rédempteur. Ôte le désir du mal. J'aime la haine en chacun de nous contre tout mal. Nous avons dégoûté cela, refusé cela, et résister au diable avec une foi ferme en étant très endurant jusqu'au bout du voyage. Je te confie l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur, que la grâce de Dieu pleuve sur lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous croyons. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et que l'on zambe à Pambolabino.